tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rockfort Show. Yeah, bonsoir Tom. Salut. Comment vas-tu? Bien. Bien, bien, et vous? Bah nous ça va bien, moi et moi-même. Ah, vous êtes deux? Ouais, les deux. Bah on n'est jamais trop deux hein, pour je faire une émission comme le Rockfort Show. Je me disais aussi depuis tout ce temps, deux ans et demi qu'on est ensemble, il est bizarre. Et pas encore d'enfant hein. On n'a pas fait de petit. Enfin si, on a fait plein de petits, mais elle est partie, celle qui voulait faire des petits avec nous. Salut Jen. Bon, allez, ce soir, émission du 25 avril, ne te découvre pas d'un Rockfort Show. Ouais, enfin bon, voilà, j'avais envie de le faire. C'est pas drôle, je vous l'accorde, chers auditeurs. Voilà, si tu veux rester au show, écoute du Rockfort. On va dire bonsoir à Eric et on va se joindre à la peine de toutes ces familles qui ont subi l'attaque de ce fou dangereux à Toronto. Et voilà. On va dédicacer d'ailleurs toute l'émission aux victimes et aux proches des victimes de Toronto. Ça te va? Oui, bien sûr. Hein, il le faut aussi. On va dédicacer aussi cette émission et vous rappeler qu'elle est diffusée outre Radio Biz avec Eric Flynn tous les mercredis de 19h30 à 21h30, même quand on n'est pas là, elle est quand même diffusée puisqu'on fait des petites rediffusions en fait d'émissions antérieures. On va arriver à court là d'ailleurs. Donc il va peut-être falloir qu'on reprenne du service. Plus, on va dire il y en a encore, mais il y en a plus quand même. On va voir comment on s'organise, mais il va falloir qu'on en... Alors comme on peut pas, vous le savez, hein, on peut pas faire tous les mercredis puisque Tom a un nouveau boulot. Parce que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais donc, on va essayer d'en enregistrer et puis vous de les diffuser les mercredis, on va voir. Hein. On va vous faire quelque chose aux petits oignons. Mon cher Tom, est-ce que le Rockfort Show est diffusé également? Sur Radio Bourrin. Oui, le dimanche soir à partir de 18h. Et sur... Sur l'invasion métal. Ah non, métal. Je sais plus. Métal invasion. Alors, pour Radio Bourrin, c'est Laurent. On le salue bien. Hein. Et pour Métal invasion, les lundis soirs. C'est Canberra. À partir de 20h30, c'est ça? Ouais, je crois. C'est 20h. 20h, ouais. 20h. C'est Canberra, c'est ça? 20h, 20h30. Canberra, quoi. Béro. c'est Sydney. Voilà pourquoi il me disait Canberra. Hein, mais c'est Melbourne. Allez chercher c'est Melbourne. Allez, on a commencé avec des ricains de Striper qui nous ont sorti un nouvel album qui s'appelle Goddamn Evil. Et le morceau, c'était Last. J'arrive pas à le faire, hein, j'ai pas la voix assez aiguë pour pouvoir le faire. Il a essayé de le faire, donc demain il va pleuvoir en région parisienne. Vous c'est ça, mais c'est prévu. Ça sort chez Frontier, enfin c'est sorti chez Frontier le 20 avril. L'album est vraiment très bien, on retrouve vraiment Striper tel qu'on les avait connus il y a quelques temps. C'est le 10e album du groupe, il contient 11 titres. Et c'est toujours un quartet de white metal, c'est-à-dire du metal un peu metal chrétien, carrément. Hein. Rappelez-vous, dans les années 80, Striper balançait des bibles dans le public lorsqu'il y avait un concert. Le groupe s'est formé en 1983. Et en face d'eux, il y avait Wasp, qui eux balançaient de la barbaque bien saignante. C'était assez drôle. C'était bien les années 80, moi j'ai toujours adoré. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cet album? Le groupe nous vient du comté d'Orange. On retrouve toujours Michael Sweet aux vocaux et puis son frère Robert à la batterie. Et donc les frangins Sweet, c'est joli, hein, Sweet, c'est tout doux. Et puis voilà, on retrouve le groupe là où on l'avait laissé en 2013, puisqu'ils avaient sorti je crois un album en 2013. Si mes souvenirs sont bons. C'est pour tous les fans d'Accept, Queensrÿche, Wasp, Elegance, musicalement parlant, hein, je parle, hein, pas au niveau des idéologies, Megadeth, enfin bref, toute la fange du hard rock des années 80. Sauf que là, on a quelque chose d'assez moderne quand même au niveau de la production. Ce que vous entendez en fond sonore, encore un retour au bout après 10 ans d'absence. C'est toi qui les a fait reformer? C'est pas moi, non, mais le groupe sort son 7e album. Chez Regan Records, et c'est sorti le 13 avril dernier et ils seront en concert, ils ont 5 dates en France, c'est pour ça qu'on les passe ce soir. Le titre de l'album c'est Back From Hell et le groupe s'appelle Satanic Surfers. Voilà, ils reviennent, un groupe de skate, de punk skate, ou de skate punk, comme vous voyez, comme vous voulez, sont les vétérans suédois de ce genre musical qui se sont créés en 1989. Voilà, ils sont de retour et on est bien content parce que l'album est vraiment très très bon. Et ils seront à Paris le 26, c'est-à-dire demain soir au Gibus. Voilà, donc si vous voulez pas les rater, bah allez les voir demain soir au Gibus. On vous enjoint à aller les voir. Puisque nous sommes dans une émission spéciale 100% nouveauté, on va vous passer aussi une petite interview de Steven du groupe Molly Baron qu'on adore. Et tout ça parce qu'ils seront en concert et qu'ils ont des places à vous faire gagner pour leur concert. Pour l'instant, eh bien, des nouveautés. Judas Priest, on vous en avait pas encore parlé. T'as vu, tout se tient. Hein. Striper fait du métal chrétien. Les Satanic Surfers. On a Judas Priest. Enfin, voilà. T'as vu tout ça dans la... Hein, ouais, il en manque. Après, je ne les citerai pas. Mais non, mais on est bien dans la religion et dans les opposés. Là. C'est pas mal du tout. Judas Priest qui nous sort un magnifique album, Firepower. Alors, tout le monde disait que c'était l'album de l'année... Ou peut-être. Le morceau que je vous ai choisi, moi, c'est No Surrender, qui est vraiment un morceau qui dépote et qui est vraiment excellent, où on retrouve la voix, les vocaux de Monsieur Rob Halford. Vraiment, l'album est très très bien. Il est sorti le 9 mars sur Columbia Music. C'est le 18e album du groupe. Il contient 14 titres. On retrouve donc le quintet de Heavy Speed au meilleur de sa forme. Certains disent que c'est le meilleur album depuis le retour de Rob Halford, pourquoi pas. Le groupe s'est formé en 1969, donc un peu de bouteille. Groupe de Birmingham, Royaume-Uni. Sachez que sur cet album, on retrouve vraiment le métal classique de Judas Priest, mais avec une production assez moderne et des petits solis qui sont vraiment mais à tomber par terre. Franchement, les guitares ont été super bien foutues. C'est vraiment un très bon album, voilà, à découvrir sans cesse. Produit par Tom Allom et Andy Snip. Et Andy Snip sera à la guitare à la place de Glenn Tipton sur la tournée parce que Glenn Tipton souffre de problèmes de santé. Et donc la seule date qui sera donc au Hellfest sera avec Andy Snip à la guitare. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, je crois que je vous ai tout dit. Et le seul concert sera donc au Hellfest le 22 juin, mon cher Tom. Oui, on voilà. Parlera du Hellfest, je pense, le mois prochain, dans l'émission qu'on devra faire. Je pense. Nous enchaînons ensuite avec une autre nouveauté, puisqu'il s'agit de l'ordi, ça sortira que dans un mois. On voulait prendre un peu d'avance. On s'est dit, une émission spéciale nouveauté, on va prendre de l'avance. L'album ne sortira que le 25 mai, dans 2018, un mois pile poil. Voilà, l'album s'appelle... Sexorcisme. Exactement. Toi, on est encore. Hein, oui, je vois. Tu vois, le satanisme. Mais sauf que là, c'est Sexorcisme avec le morceau qui s'appelle Rome Hate Juliette. Donc, c'est Roméo et Juliette en fait, hein, mais Rome Hate Juliette. Ils ont voulu faire un jeu de mots. Ouais, t'es sûr? Ouais, Rome Hate Juliette. Ouais, ça peut c'est peut-être Roméo qui déteste Juliette. Tout à fait. Voilà, non, mais c'est un double jeu de mots, je pense. Ouais, voilà, c'est... donc ça sortira chez AFM le 25. C'est le 9e album du groupe, il contient 13 titres. La pochette est complètement hideuse. Si tu peux aller la voir sur Nenet, sur Internet, mon cher Tom, tu vas voir et tu vas peut-être pouvoir nous la décrire, mais elle est vraiment hideuse. Je n'aime pas cette pochette. Le groupe s'est formé en 1996. Ils nous viennent de Finlande, d'Helsinki. Et leur fait d'armes le plus connu au monde est qu'ils ont été les vainqueurs de l'Eurovision en 2006. Est-ce que tu as la pochette sous les yeux? Non. Non, pas encore. Bon, non, je suis en train de chercher autre chose. Ah bon, d'accord. Sachez que je n'ai pas encore les dates de concert pour l'ordi en France, mais je pense que ça devrait être d'ici la fin de l'année. Nous enchaînons ensuite encore avec un groupe suédois, oui, il me semble, hein, puisqu'il s'agit de Bullet. Bullet qui fait carrément du AC/DC. Mais alors là, c'est du AC/DC à 2000 à l'heure, quoi. Oui, mon cher Tom. Donc, les studios, Tom en duplex. J'ai, oui, une traduction pour Rome et Juliette. C'est Rome à manger Juliette. Ah, à manger. Voilà, ah, j'en ouais. ai une. D'accord. Attends, il doit y en avoir d'autres, hein, je pense. Hein. Bon, bon, non, mais ils ont. Bah oui, hate, c'est hit, donc c'est A-T-E. Oui, mais c'est ça. C'est pas ça. En anglais pur. Si bon, on revient à Bullet. Bullet qui est la balle, paf, qui va vous perforer le trou de balle. Puisqu'il est déjà fait. L'album s'appelle Dust to Gold. Et le morceau que je vous propose de découvrir, c'est le morceau qui ouvre l'album, qui est vraiment excellent, qui s'appelle Spin. Speed and Attack. L'album est sorti le 20 avril dernier. C'est le sixième album du groupe. Il contient 12 titres de ce quintet de heavy metal formé en 2001, Odyssée de l'espace. Ils seront en concert à Paris le 15 mai prochain. Ne les ratez pas, ça sera au club. Alors, je trouve que c'est vraiment une toute petite salle pour un groupe de cette envergure-là, puisque Bullet ramène du monde quand même. Je ne comprends pas qu'il soit dans une si petite salle. Ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec Screamer et avec Jesse Chrysler Superstar. Chrysler Superstar. Voilà. Et bien c'est tout, on va vous laisser en musique. On va vous rappeler le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Bravo mon cher Tom, tu n'as rien oublié. Non, on va partir à force de l'avoir répété, je pense. On va partir en musique avec Judas, Lordi et Bullet. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission musique. Pocket and no pressure. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rockfort Show. Hey, j'ai fait une rime. C'est pas beau ça? C'est la première fois que je m'en aperçois, c'est dingue ça. Ouais, t'es chaud toi. Ouais, je suis chaud, il fait chaud, hein, il fait chaud, c'est normal. L'été sera chaud. L'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Ça, c'est la version death metal. Bon, salut Eric Chardin, hein, bien sûr. On resalue nos amis Eric, Laurent et Sydney, hein, qui nous diffusent Eric sur Radio Biz, Sydney sur Metal Invasion et enfin Laurent sur Radio, Radio Bourrin. Radio Bourrin, celle qui en a dans les mains, c'est ça? Mais où va-t-on? Metal Invasion, c'est celle qui vous en met dans le fion. Québec, ouais, et Radio Québec. Radio Québec, t'en as plein le bec. Pas mal aussi, ça là. Ouais, facile, celle-là. Hein, bon, allez. Qu'est-ce qu'on a écouté? Judas Priest, Lordi, yes, et puis Bullet. Et maintenant, Mankind. Ouais, Mankind qui seront en concert. Mon cher Tom, je te laisse l'annoncer. Comment tu dis? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Mankind, oui, qui seront en concert, je te laisse annoncer. Ah, tu me laisses annoncer. Mankind qui seront en concert, je te laisse annoncer. Voilà. Ah, Mankind qui seront en concert. Ils seront au même endroit, mais pas le même jour, parce que ce sera le 19 mai que nos amis de Bullet qu'on a entendu juste avant, ce sera en club avec Jeds et Rapture Farm. Yes. Voilà. Non, Bullet, ils seront le 15. Oui, mais ce sera au même endroit, au club. Ah oui, oui, c'est au club. Ah ouais. J'ai dit au club, ah ouais, mais pas le même jour. Ah ouais, c'est vrai, c'est au club. Ah ouais. Bon, bah écoute, hein, voilà. Rapture Farm qu'on avait reçu ici, dans le Rock for Show. Oui, oui, bien hein sûr, oui, avec Valérian. Voilà, exactement. Pour, je crois que c'était sur le concert de Tribute Solidarité aux victimes du Bataclan. Voilà, c'est ça. On va continuer avec des nouveautés et on va partir au Canada. Voilà. Et on va partir avec un groupe de prog death metal qui s'appelle Valyria. L'album ne va pas sortir non plus tout de suite, puisqu'il sortira le mois prochain, le 18 mai exactement. C'est une autoproduction, ça s'appelle Into the Dying of Time, ça c'est le titre de l'album. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Floating World. Bien mon cher Tom, c'était beau là, c'était en duo, c'était magnifique. C'est un EP de 7 titres, mais sachez que comme il y a une intro et une outro qui font à peu près moins d'une minute, eh bien nous dirons que c'est donc un EP de 5 titres effectifs, hein, réellement quoi. C'est un quintet, comme je vous le disais tout à l'heure, formé quartet, en quartet. Un quartet, un de quartet. Death Melodic. Yes, c'est un quartet. 2009. Yes, et puis ils nous viennent de Saint-Albert. Ouais. Au Canada. Il est bizarre ton accent canadien, mais bon, je veux bien. Et c'est influencé par Wintersun. Faceless plutôt. Dragon Faceless. Force. The Dragon Faceless. Force. Yes. Blind Guardian. Ouais. And Omnium Gatherum. Voilà, donc voilà. Tout ça, c'est les influences que vous pouvez retrouver. Dans Valyria, moi, j'ai vraiment craqué. J'ai vraiment bien aimé ce groupe Valyria. Les solos sont vraiment tip-top. J'aime bien, j'aime beaucoup. Vous allez voir, beaucoup de guitare hein, ce soir, énormément de guitare. Nous enchaînerons ensuite avec quelque chose de beaucoup plus rock, beaucoup plus, comment dire, alternatif, indé, oui, avec Ron Moore. Ron Moore qui a sorti son nouvel album et deuxième album le 30 mars dernier chez M&O Music. On salue bien le petit label qui monte. Enfin, maintenant, il est grand label, hein, on peut le dire. L'album, le deuxième album de Ron Moore s'appelle Youth, jeunesse. Et le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom. Perfect in Imperfections. Bien, c'est un groupe français, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, il y a un nouveau clip. Ouais. Red Lips. Ah. Red Lips, les lèvres rouges. C'est un peu du Derbez, du Silverchair. Ou... Ouais, non, c'est les influences, hein, c'est... ça. C'est les non, influences. Mais ça s'en approche un petit peu. Hein. Ouais. On retrouve ouais, quelques petites sonorités de Garbage, Silver Chain dans l'approche musicale. Et puis, il y a un petit peu ce côté un petit peu électro dedans. Bon, voilà. Bon. Voilà, à découvrir, c'est pour vous. Ensuite, une grosse nouveauté, puisqu'on l'a reçu tout chaud, tout frais, il y a quelques jours. Le nouveau EP de Hatred Dusk, qui s'appelle Blinded by Hate. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Darkness. C'est une autoprod. Ça s'est sorti le 16 avril. Hein, mais bon, nous, on l'a reçu là, tout récemment. Le groupe s'est formé en 1990. Ils nous viennent de France, d'Ivry-sur-Seine exactement, région parisienne. Et ils seront en concert, ouais, mon cher Tom. Mais on va faire un club, je crois. Hein. Oui, ouais, tous y passent au club. Il doit y avoir des prix en ce moment sur le club. Hein. Donc le groupe sera le 13 juillet. Le 13 juillet avec Overtone, Lynn et Sync. Et Sync, c'est pas un groupe, c'est un groupe français, mais tu viens pas de Lyon, je crois. Non, non, non, ils sont de Paris. C'est... Attends. Que je me trompe pas. Non, peut-être. Je sais plus. Think. Ouais, ouais. C'est un groupe en plus avec des influences un peu gore, non ? Ouais, hardcore, on va dire. Ouais. Voilà. Bon, on vous en reparlera. De toute façon, c'est le 7 juillet le concert, donc on aura le temps de vous en reparler. Bah voilà, bon, on va partir en musique. Bah non, non, puisque je pense qu'on a des places à vous faire gagner justement pour. Qui c'est qu'on a au club qu'est-ce qu'on a dit là tout à l'heure? Non, Ron Moore, non, non, non. Bon, bah non, il n'y aura que pour. Il n'y a que pour Atreides Dusk qu'on a des places à vous faire gagner. Et t'en as pas pour Mankind? J'en ai peut-être une pour Mankind. Bah, appelez. 06 81 01 28 34, appelez, on la prend sur nous de toute façon la place. Donc, comme ça, il n'y aura pas de défaut. Ouais, non, c'est comme ça. Moi, j'ai Royal, hein, c'est l'été, bientôt. Donc, je donne mon slip. À bientôt. Attends, on est qu'au mois d'avril. Attends. Ouais, hein, il n'a même pas relevé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je sais que tu donnes ton slip. Mais, ouais. Ça, c'est pour les filles, c'est pas pour moi. Ah, je donne mon slip à qui le veut. Ouais. Valyria, on enchaîne donc avec Ron Moore et on terminera avec Atreides Dusk. La musique, c'est parti. C'est maintenant dans le Vent Poste. Musique. We'll be right back. bound from Harris Dam Church. Read the books and now the speeches. I never disturb. Smells of wine and taste of bread. Pundits pointing to my shame. We'll be right back. de retour dans les studios. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock Folk Show avec Phil et Tom. Nous vous rappelons que ces émissions... Pourquoi tu m'as remonté le volume là ? Non mais stop ! Parce que c'est bon ! Oui, c'est bon, d'accord, mais c'est Evenline. On va en parler, t'inquiète, je vais pas les oublier, Tom. Donc on vous rappelle que cette émission sera rediffusée sur Radio Bourrin dimanche et vers 18h et elle sera rediffusée également sur Metal Invasion lundi à partir de 20h ou 20h30, à vous de regarder la programmation. Ce que vous entendez donc en fond sonore, avant tout ça, on avait passé At Dusk, le dernier que vous avez entendu. Avant, c'était qui ? C'était Iron Maiden. Et puis on avait commencé avec... Valeria. Exactement, groupe canadien. Nous en revenons donc à nos chers amis de Evenline qui seront en concert avec nos autres très chers amis de Conscience et un groupe que nous ne connaissons pas encore qui s'appelle Our Blonde Covers, mais nous les connaîtrons à partir du 4... Mai 2018 à 20h. Ah bon, t'es sûr que c'est 20h ? Je sais pas. Là, tu t'avances quand même. Je crois que c'est 20h. Si, je crois que c'est ouais, c'est 20h. Ce sera au Plessis Robinson. Oui. Hein, à la Maison des Arts. Maison des Arts. Donc, on a des places à vous faire gagner au 06. 80, 01, 28, 34. Pour les banlieusards, pour une fois que le rock vient à vous, il ne va pas à Paris. Enfin, ouais. Il n'est pas obligé d'aller à Paris. Profitez-en. Donc, bon, nous, on y sera. Dans, ceux qui sont dans la bonne banlieue, hein, parce que ceux qui sont à l'opposé, bah, désolé. Alors, on vous rappelle, hein, l'affiche, c'est Evenline, Conscience et Our Blonde Covers. Our Blonde Covers. Enfin, voilà. Et nous y serons. L'équipe du Rock for Show sera là-bas. Et on a des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Ainsi que des places pour Mankind. Et on a dit des places pour At Dusk, mais ce sera au mois de juillet At Dusk. Donc vous avez encore. D'ici là, vous aurez le temps d'oublier, comme ça on sera pas obligé de vous. Tout à fait. On va enchaîner encore avec des nouveautés, encore quelque chose qui m'a. Ma petite craquerie de la semaine, je dirais. Le groupe s'appelle Run Lord et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Le groupe est suédois et il œuvre dans un epic metal avec des solos de guitare de tueur. Voilà, donc à découvrir et à écouter sans modération. Pour tous les fans de Manowar, enfin on vous expliquera ça tout à l'heure. L'album s'appelle A Message from the Past et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, se nomme... Tu te nommes... The Wisdom of Steel. Alors, The Wisdom... The Wisdom, pourquoi voilà. Wisdom. Ouais, il n'y a pas de Tom, c'est toi, Tom. Hein. The Wisdom... The Wisdom of Steel. Voilà. Donc, il y a 10 titres sur cet album qui sont tous plus épiques et heavy les uns que les autres. C'est donc pour les fans de Manowar, Siri Tungirl et pour Virgin Steel. Pour ne citer que ces trois groupes-là, vous allez comme ça comprendre dans quel style œuvre Run Lord, qui est vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment craqué. Voilà. Est-ce que j'ai dit sur quelle maison de disque ça sortait ? Non, je ne l'ai pas dit, ça. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, Tom ? Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Donc, ça sort sur Stormspell Record le 3 avril. Enfin, c'est sorti le 3 avril. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe français que nous allons aller voir en concert et dont des places sont à gagner également. Le groupe s'appelle Disconnected. C'est tiré de leur premier album qui s'appelle White Colossus et le titre que je vous propose de découvrir ce soir est le titre éponyme de l'album White Colossus. L'album est sorti le 23 mars dernier chez Apatia Records. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ah oui, c'est le nouveau projet de Adrian Martineau que nous avons pu voir lors d'un concert avec Misanthrope et Melted Space. Voilà, puisqu'il appartient à Melted Space. C'est entre influences Alter Bridge, Gojira, Deftones, hein, pour définir un petit peu leur musique. Voilà, c'est un savant mélange de tout ça. Et c'est, ma foi, fort agréable à découvrir. Maintenant, nous allons aller les découvrir sur scène. Et pour ça, nous vous offrons des places au 06 81 01 28 34. Ils ne seront pas tout seuls sur scène. Ils seront à la Boule Noire et ce sera le 5 mai, donc très prochainement. Ils ne seront pas tout seuls, mon cher Tom, puisqu'ils seront aussi avec Malmort, que nous allons écouter donc, dans la foulée, avec le titre Brûle. Brûle de l'extrait de l'album Baltrap sorti le 5 décembre 2016, réédité en juin 2017. Ouais, en juin 2017. C'est un quintette de formé en 2010 qui nous vient de Cergy Pontoise dans les 95. On salue d'ailleurs nos amis de Cergy d'Ultra Rock. Salut Steph et compagnie et consorts. Qu'on sort ? Tu veux qu'on, sorte qui ? Qui c'est qu'on sort ? Steph, Lulu et Fred. Et Freb. Et Freb. Freb. Et Freb. Et Freb. Ouais. Ah ouais. Non, c'est un groupe qui s'appelle comme ça aussi. Oui, on, non, mais c'est pour ça que je t'ai lâché. On en parlera. Atchoum à tes souhaits. Voilà, exactement. Et tout de suite après cette, ce petit passage musical, bah, nous recevrons le troisième groupe qui est à l'affiche qui s'appelle Molly Baron. Mais ça, ouais, ça sera pour tout à l'heure. Hein ? Bien, monsieur. Pour l'instant, on part en musique. Yes. Donc, avec Ron Lord. Écoutez, c'est ma craquerie de la semaine. C'est parti. T'as craqué ton slip ? Ouais, j'ai craqué, pas que mon slip. Allez, musique. We'll be right back. demandé si les hommes existent, la mienne est dévorée. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les mercredis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz. Vous venez d'écouter Runland, on a continué avec Disconnected et nous venons de finir avec Malmore et ce que vous entendez en fond sonore, c'est le triptyque magique puisqu'il s'agit de Molly Baron qui se rend à l'affiche avec Disconnected Malmore. Et nous avons au téléphone avec nous pour nous parler un petit peu de cette soirée magique qui aura lieu le 5 mai prochain. Et nous avons aussi des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Et bien nous avons au téléphone Monsieur Steven, le guitariste Molly Baron. Bonsoir à toi Steven. Bonsoir Phil, comment ça? Oh, ça va, mais attends, le micro, il est pas terrible, Tom. Ouais, ça sature un peu, vas-y. Non, ça grésille un petit peu. Vas-y, mon grand. Ça va bien ? Ouais, nous, ça va bien. Ça va très bien. Voilà, alors, parlons un petit peu de ce concert qui aura lieu le 5 mai prochain à la Boule Noire, à Paris, en compagnie donc de Disconnected, Malmore et Molly Baron. On n'arrête pas de vous voir en ce moment sur Paris. Bah, c'est vrai que justement, il y a Ivan de Disconnected qui nous a contacté il y a quelques mois en nous disant « Alors les mecs, vous êtes en train de cartonner, nous on va cartonner parce qu'on a complètement confiance en notre projet et il faut qu'on fasse une date ensemble, il faut qu'on fasse une vraie belle date parisienne, il faut qu'on montre un petit peu au monde qu'on est un peu le renouveau et qu'on est les groupes sur qui il va falloir compter dans le futur. » Et du coup, on s'est dit « Quoi de mieux que d'inviter la sensation française qui est en train de tout déchirer depuis plusieurs années et qui est en train d'exploser Malmore ?» Et très gentiment, Xavier, que j'ai eu au téléphone, ont accepté de partager cette affiche avec nous. Et du coup, je pense qu'on a l'une des plus belles affiches parisiennes du moment, avec trois groupes qui sont à 200% et qui ont que des superbes échos sur leurs albums. En tout cas, on est super contents. Une chose est sûre, c'est que ça va être très éclectique. Et ça, c'est bon. Ça, on va pas s'ennuyer une seule seconde. On a vraiment, comme tu le disais, trois excellents groupes et dans des styles fort différents les uns des autres. Donc ça va être vraiment pour nous, en plus une belle scène, hein, puisque la Boule Noire... Noire, super, ouais. Voilà, c'est une très très belle scène. Et puis j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait une nouvelle date qui était tombée pour Molly Baron au mois de mai. Nouvelle date? Ouais, le 20... Oui, effectivement. Hein, il n'y a pas une date le 25 mai? C'est le 25 mai, oui, nous refaisons une Boule Noire, oui. Vous allez être abonné, hein. Alors, vous serez avec qui, là, le 25 mai? Alors, on sera avec Charge, Demon Tool, et puis deux autres groupes. Et on va bientôt commencer la promo de cette date, mais pour l'instant, on se focalise vraiment sur le 5 mai, parce que ça va être le gros truc du moment, mais on vous en parlera très très vite. Et restez à l'affût parce que je pense que ça va être aussi une très très belle date. Voilà, en tout cas on voudrait savoir aussi parce que l'album maintenant commence à dater un petit peu, hein. Il est sorti en fin 2016, c'est ça? Non, alors il est sorti vers mai en fait, vers mars-avril, plutôt mars-avril, ouais. D'accord, et nous on en avait fait la promo au mois de septembre je crois avec vous. Je sais plus. Ouais, comment... Et je vous en remercie encore, ouais. D'ailleurs, c'est super. Bah, on a craqué, hein, on a craqué. Quand on craque sur quelque chose, bah, désolé pour les auditeurs, on n'arrête pas d'en passer. Bah, tant mieux pour nous. Mais on pense que c'est un gage de qualité, de toute façon. Cet album, nous, on l'a décortiqué, on l'a écouté, on l'a usé même. Et justement, où en êtes-vous pour l'éventuel prochain album? Alors justement, pour la Boule Noire, on vous réserve quelques surprises parce qu'on va jouer des nouveaux morceaux. On va même faire une reprise, je vous en dis pas plus. On a vraiment remanié toute la setlist, etc. On va travailler avec une coach scénique en résidence pour justement être le meilleur possible. On a vraiment décidé de prendre le groupe et de l'amener sur l'étape suivante et sur la marche suivante. Au niveau de l'évolution du groupe, bah écoutez, on est en train de composer de nouveaux morceaux encore. On en a pas moins de 5 en ce moment déjà dans la boîte. Et on essaye de viser une sortie d'album pour début d'année prochaine, vers janvier. si tout va bien, évidemment. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'après les deux bouts noirs, on va se calmer un petit peu, on va profiter un peu des vacances pour s'enfermer au studio et composer avec les milliards de riffs et les 200 000 idées qu'on a tous pour essayer de faire un album qui soit encore meilleur que celui qu'on a sorti. Et on espère que ça vous plaira tout autant que celui-là, en tout cas. Bon, en tout cas, si c'est de la même qualité, même prod, enfin une prod peut-être même encore meilleure, parce qu'on sait que d'album en album, bah, c'est comme ça qu'on attrape un petit peu la comment on s'appelle la fièvre. Ouais, je sais pas si c'est la chèvre ou autre, mais en tout cas la fièvre de la musique. C'est là en tout cas que vous arrivez à parfaire un petit peu votre son, et puis maintenant vous l'avez bien rodé sur scène. En tout cas, nous on a vraiment craqué. Donc félicitations à Molly Baron. Et puis n'oubliez pas cette date, c'est le 5 mai, c'est à Paris à la Boule Noire. Disconnected, Malmore et Molly Baron seront en concert et on a une place à vous faire gagner au 06 81 01 28 34 06 81 01 28 34. Mon cher Steven, je te remercie pour cette brève intervention dans l'émission. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. On se voit donc physiquement le 5 pour ce Exactement. Petit concert. Ça va être une super soirée. Et les absents auront vraiment tort, je pense, parce que ça va vraiment être une soirée extraordinaire avec du très beau monde, deux autres groupes excellents. Et ça va juste être génial. Voilà, en tout cas. Ça va être extraordinaire. En tout cas, on vous enjoint à y aller. Boule Noire, c'est le 5. Exactement. Et c'est en mai. Voilà. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Et ben, si pouvait te plaire d'aller à la Boule Noire, eh bien, nous serons tous là pour vous accueillir. Nous allons continuer la programmation musicale de cette émission 100% Zik Nouveauté avec un groupe allemand. Le groupe s'appelle Caliban. Il a sorti son nouvel album. Quand est-ce qu'il a sorti ça ? Bah, début du mois d'avril. Hein. C'était le 6 exactement. Chez qui ? Mon cher, chez Century Media, bien évidemment, mon cher Tom. Et l'album s'appelle Elements. Et le titre que nous allons découvrir ce soir... Je te laisse, t'es tellement bien parti. Ah bon, d'accord. Donc c'est This Is War. Voilà, Caliban, donc groupe allemand, comme je vous le disais. L'album contient 13 titres, plus 2 bonus pour la version série limitée. C'est un quintet de metalcore. Ils se sont formés en 1997 à Essen, en Allemagne. Nous enchaînerons ensuite avec un autre groupe canadien ce soir. Il y en a pour le Canada. Après tout ce qui leur est arrivé lundi soir, c'est un peu normal. Donc Infinity. Alors Infinity avec deux E à la fin. Hein, comme ça, vous pouvez faire une omelette en même temps, si vous voulez. Le morceau s'appelle Lost et l'album s'appelle The Possibilities Are Endless. C'est ça, mon cher Tom ? Yes. T'as vu ça un peu ? Ils viennent de Montréal. C'est du Technical Music Review. Enfin, ça, c'est le label plutôt. C'est plutôt pour les fans, comme tu dirais, de Meshua. C'est ça qu'on dit. Hein. Meshuga. Meshuga. Ok. Scale the Summits, Animal as Leaders, Glass Code. The Algorithm et Modern Day. Voilà, tout ça, ce sont leurs influences. L'album est sorti le 20 avril dernier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Rien de plus. On vous en dira plus quand on aura des informations. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et on terminera avec Kraken, un groupe de folk metal excellent, puisqu'ils en sont déjà à leur 8e album. Cet album contient 12 titres. Il sortira le 27 avril chez Trollzorn. L'album s'appelle Nine Years of Blood. Et le titre, mon cher Tom, le titre que nous allons écouter de Kraken ce soir, Flight of the Earls. Flight of the Earls. Earls. Earls, je sais pas. Earls. Ouais, Earls, je dirais. Donc, c'est un quintet de folk metal formé en 1992. Ils nous viennent d'Irlande, bien évidemment. Et la patrie du folk metal en Irlande se trouve à... Dublin. Merci, monsieur Tom. Eh bien, on va écouter tout de suite la musique et on se retrouve tout de suite après. Ne quittez pas et rappelez-vous des numéros de téléphone 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler des places pour aller voir Molly Baron, Malmore et Disconnected. Ce sera donc à la Boule Noire le 5 mai. Musique. Elle n'est pas partie. Si, elle est partie. I'm on. an exile in the land. He loved a ruler of the past. Land, I cannot be here, I cannot stay. I'd rather go and leave this place to famine and decay. His elves were in agreement, they made plans to sail to Spain, to plan a re-invasion to remove the English reign. Studio du Rock for Show. Et vous êtes toujours... T'as marre de faire des rimes. Non, j'aime bien ça. De rimes. Bah non, elle est très bien ça là. Nous venons d'écouter donc Caliban suivi de Infinity et nous avons terminé avec Huracan. Sachez que pour Infinity, pour être plus complet, parce qu'on n'a pas été assez complet tout à l'heure, c'est l'œuvre d'un guitariste de death metal, ici du groupe Tales of the Tomb, qui s'appelle Trace Thomas. Voilà. C'est son œuvre à lui tout seul, Infinity avec deux E à la fin, et groupe canadien. On vous en reparlera, parce que c'est pas mal. Et j'ai oublié de vous dire aussi que c'est. Enfin, vous l'avez remarqué, puisque c'était. Que de l'instrumental. En fait, tu ne l'as pas dit pour que vous restiez à l'écoute et vous entendiez à un moment une voix que vous n'avez jamais entendue. Voilà, mais il n'y avait pas de voix. Non, non, c'est tout l'album, enfin le EP. Et en comment ça s'appelle en, non, c'est un album. Tout l'album est... c'est ça ? Je ne sais plus. Ouais, bah, en tout cas, tout en instrumental. Nous allons enchaîner donc avec le groupe que l'on entend en fond sonore. Il s'appelle Temperance et ils sont italiens. C'est du power mélodique. Sorti chez Scarlet Records le 16 septembre 2016. Mais il y a un nouvel album qui est sorti récemment, là en 2018, mais je ne l'ai pas encore. Il est sorti le 20 avril dernier. Hein, et il s'appelle Of Jupiter and Moon. On Moons, c'est ça, on Moon's Sorority, c'est ça? Oui, peut-être. Bon, voilà, on dit, on sait rien, il suit pas, donc c'est pas grave. Je voilà. Te laisse. Non, mais j'ai du mal. Il avec me laisse galérer. Il me laisse galérer. Ah, bah, et puis surtout, le groupe sera en concert le 20 combien? Le 28 avril. Ah, comme ça, tu sais le dire. À Ressorangis, dans une belle salle avec Eternal Silence. Alors voilà. Super Eternal Silence. Salut. C'est un super groupe, vraiment très très bon. On a reçu l'album, vraiment. J'ai hésité entre Passer Tempérance et Eternal Silence, mais le souci c'est que c'était un fond sonore. Je me suis dit, bon, on va prendre la tête d'affiche. On va essayer de vous avoir des places pour ce concert. Donc vous pouvez nous appeler hein, au 06 81 01 28 34. C'est dans quelques jours et je pense qu'on peut en avoir. Donc voilà, si le concert n'est pas complet, je vous aurai des places à gagner au 06 81 01 28 34. Pour Tempérance et donc. Eternal Silence. Nous allons continuer avec des nouveautés, avec le nouvel album de Wisdom, un groupe français. C'est leur quatrième album Wisdom, il contient 9 titres. Comment s'appelle-t-il, mon cher Tom? Deadline. Non, non, pas du tout. De quoi, je te parle de Wisdom. Oui. C'est bien, il suit. Ah. C'est la folie. C'est la folie à London, Wisdom. I style me. Turns to dust, t'as dû te tromper. As time, turn to dust. Voilà, donc tu t'es trompé. As time, mais non, je me suis. Où tu veux que je me trompe? Bah parce que t'as mis un i et un minuscule. Et bah un minuscule c'est as time. Oui, t'as mis deux i en même temps, c'est pour ça que je comprends. Non, pas. Non, n'importe quoi. Ah là, bah, il cherche le gars, là, il cherche la petite bébête. As time turns to dust. Voilà, ça te. Voilà. Et le titre du morceau du Free as écouter. A bird. Yes, aussi libre qu'un. Pingouin. N'avion. N'avion. L'album est sorti le 6 avril dernier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, c'est un sextet, j'aime bien, de Heavy Symphonique, formé en 2007. Ils nous viennent de Paris, France, bien sûr, et ils seront surtout en concert le 26 mai. Mais à la boule noire. Yes, avec encore la boule noire. Bennett, My Sins et Belokan. Voilà, donc on va mettre aussi des places en jeu, tiens, pour Wisdom, Beneath the 16. Oui, parce que comme vous le remarquez, Phil fait beaucoup gagner de place, contrairement à il y a quelques semaines, quelques mois qu'on n'était pas là, parce que le fait qu'il n'y a plus d'émissions, ça lui coûte moins d'argent, donc il peut racheter des places de concert. Voilà, voilà exactement. Donc j'achète des places de concert, après je vous les fais gagner pour vous. C'est pas cool ça, hein, hein. Dites que le Rock for Show, c'est pas si fort que ça. Par contre, si vous avez quelques lingots d'or, moi je suis preneur. Hein. Bon. 06 81 01 28 34 pour offrir ses places pour Wisdom concert le 26-5 à Paris, la boule noire. Nous enchaînerons ensuite avec Deadline qui nous sort son deuxième album. Le titre de l'album s'appelle Nothing Beside Remains et le titre que l'on va vous passer ce soir s'appelle Natural Born Pimp. Alors je sais pas ce que veut dire pimp. Pimp. Je sais pas. Donc, Tom va chercher ça puisqu'il a rien d'autre à foutre de toute façon. Ah non, je ne fais rien. Puisqu'il suit pas. Hein, donc voilà, Natural Born Pimp. Je sais que natural, ça doit vouloir dire la naissance naturelle de je ne sais pas quoi, la langouste ou je sais pas. Je sais pas ce que c'est que pimp. Pimp. Ouais, bah sûrement. Deuxième album du groupe du quintet de hard rock français formé en 2009. Ils nous viennent de Paris également. Qu'est-ce qu'on enchaînera? Eh bien, on enchaînera avec un autre groupe français, puisque c'est à de l'anniversaire de Little Bob Story. Voilà, Little Bob Story, une compilation live qui nous sort, qui s'appelle High Times 76-88, hein, pour parler tout en anglais. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Little Big Boss. Bah, c'est Little Bob Story, hein, le Big Boss. Ce sera en live sur cet album. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses live. Beaucoup de témoignages live. CD plus DVD qui regroupe à peu près 19 titres studio. Ah bon? Non, non. Si, ah si, le DVD. Ah oui, le DVD regroupe 19 titres studio tirés des 7 albums studio du groupe. Je pense que c'est ça, hein, de Little Bob. Il y a une démo, il y a un titre inédit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il y a 18 titres live enregistrés entre 79 et 1988. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, sur le DVD, il y aura aussi un documentaire qui s'appelle Rocking Class Hero, qui va donc retracer toute la carrière en fait de Little Bob. Ça sort chez V Records. C'est sorti ou ça va sortir ? Non, c'est sorti. C'est sorti le 23 mars dernier et nous avons donc cette compilation à gagner au 06 81 01 28 34. Juste nous dire d'où est issu Little Bob Story, c'est-à-dire pas son nom, hein, mais de quelle région de France il est issu. Voilà. Je crois que c'est tout. Yes. T'as trouvé pour Pimp ou pas ? T'as envie de savoir, François ? Oui, ouais, j'aimerais bien savoir. Sérieusement ? Bah ouais, savoir. Ouais. Bah, c'est pas intéressant ? Enfin, proxénète né naturel. Ah, c'est un... naturellement né proxénète. Ouais, voilà, si tu préfères. Ça doit être... Bonjour. C'était Deadline, donc. Allez, on envoie la musique, on se retrouve tout de suite après. Et n'oubliez pas le numéro de téléphone, 06 81 01 28 34. Musique. We'll be right back.

retour dans les studios du Rockford Show. Nous venons d'écouter le tiercé gagnant Wisdom Deadline et Little Bob Story. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Mars Red Sky. Ils seront en concert le 11 mai prochain à Paris, à l'espace Barbara, près de Pial. C'est un concert Below the Sun, on vous en a parlé lors de la dernière émission. Ouais, l'espace FGO Barbara. Floridgood Door. Nous allons continuer avec des nouveautés. Nous allons partir à Toulon avec Antagonisme. Le titre, c'est 49.3. Et le titre de l'album, enfin du EP, puisque c'est un EP 6 titres, s'appelle Trashocalypse. C'est une autoprod qui est sortie le 1er mars dernier. C'est un quartet de thrash metal. Ils se sont formés en 2016. Et ils nous sortent déjà leur EP. Nous enchaînerons ensuite avec Shaggy Dogs. Alors là, c'est pour remuer, c'est pour la joie, la bonne humeur, avec Chill Out, tiré de leur tout dernier album qui s'appelle All Inclusive. C'est une autoprod. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? C'est un quintet de fiesta, blues, blues and roll, pub rock. Le groupe s'est formé en 2000 à Paris. Et leurs influences, mon cher Tom, les Rolling Stones, les Beatles, exactement, Dr. Feelgood, Jeff Beck, oui, bien entendu, Pretty Things, yes, et Inmates. Allez, on envoie tout de suite la musique si on veut vous préserver de tous les derniers morceaux qui arrivent derrière. C'est parti pour la musique. C'est rapide là, ce souci. Ah, bah oui, on n'a pas 06 80 01 28 34. retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show et au doux son de Lofofora tiré de leur tout dernier album sorti chez Atom le 6 avril dernier. Album acoustique qui s'appelle Simple Appareil, vraiment excellent à découvrir. Et le groupe sera en concert le 7 juin à Paris à la Maroquinerie. Nous avons des CD du dernier album à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Peu avant, nous avons donc écouté Antagonisme de Toulon et Shaggy Dogs. J'espère que vous avez apprécié la variété des styles. Nous allons continuer avec des grosses nouveautés puisque le nouvel album de Kaamelott est enfin sorti. Il s'appelle The Shadow Theory. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Mindfall. Mindfall quoi ? Remedy ? Non, c'est ça ? Oui, c'est ça. Remedy. Mindfall Remedy. Qui est sorti le 6 avril dernier chez nos amis de Napalm Records. C'est le 12e album du groupe. Il contient 12 titres plus un bonus CD qui contient, lui, 7 titres instrumentaux. Voilà, tout ça, cadeau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça ? C'est du power mélodique. Le groupe s'est formé en 1991. Aux États-Unis, à Tampa, et le groupe sera en concert le 15 septembre prochain à l'Élysée-Montmartre avec des special guests. On peut rien vous dire pour l'instant, rien n'a été dévoilé. Nous continuerons ensuite avec Riot 5, qui est l'ancien Riot, mais la cinquième version de Riot. L'album s'appelle Armor of Light et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Heart of a Lion. C'est sorti chez Nuclear Blast le 20... Non, ça va sortir le 27 avril, donc très prochainement. C'est le 16e album du groupe. Il contient 12 titres, plus 2 bonus, plus un CD live de 13 titres. Ah, excusez du peu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus dessus ? Bah, c'est un quintet de heavy speed metal formé en 1975. Pas tout jeune les pépères, hein, aux États-Unis, à New York. Le groupe sera en concert le 10 octobre prochain au Petit Bain. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec Primal Fear. On se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission, histoire de vous dire au revoir. On vous envoie la musique, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Trapped in your doubt and your anger, and you're willing. into my existence to help myself. Ainsi s'achève le Rock for Show du mois d'avril, hein, et on se retrouve au mois de mai maintenant, mon cher Tom. Et on fera ce qui nous plaît ou pas. Exactement, donc on se retrouve et on vous laisse avec Amorphis, le titre c'est The Bee et c'est tiré de Queen of Time, leur dernier album qui sortira le 18 mai. L'album contient 10 titres plus 2 bonus. Voilà, c'est un sextet de death progressif formé en 1990. Ils nous viennent de Finlande et Helsinki, on vous laisse dans le froid. C'était rock, c'était fort, c'était chaud. C'était le Rock for Show. Au mois prochain, bye bye. Salut, bye. In the night, all the rain. Sugar sickness weed. They roars but upon the shore.